Chapitre 4. Deux jours après ce bal, dont les deux rivaux sortirent avec l'espérance, Richelieu, qui, d'après les conventions jurées, s'était fait accompagner du sculpteur dans l'expédition qu'il avait méditée contre Savone, rentrait à Gênes, au milieu des cris joyeux des habitants. Il n'avait pas pris la ville, attendu qu'une tempête avait déconcerté ses projets, mais il avait détruit les postes avancés des ennemis et ramené un grand nombre de prisonniers, des munitions et de l'artillerie. Ce fut un véritable triomphe. Les dames, penchées au balcon, faisaient pleuvoir sur lui des couronnes de fleurs et son éloge était dans toutes les bouches. « Sur mon âme !» dit le duc en franchissant le seuil du palais. « Il ne manquerait plus à ma gloire qu'un rendez-vous avec Pellinetta. Qu'en pensez-vous, Sbrigelli ? Je triompherai doublement en un jour. » « Monseigneur, il vous est plus facile de battre l'ennemi que de venir à bout de la résistance d'une femme vertueuse. »« Il n'en démordra pas !» s'écria Richelieu. « Voyez donc alors le contenu de ce papier qu'un émissaire de Pellinetta vient de me remettre au milieu de la foule. « Ce soir, à minuit, mon aimable vainqueur, lorsque tout plie devant vous, une pauvre femme peut-elle vous résister ? Je ne tarde plus ma défaite, mais du moins, épargnez-moi la honte de vous en voir jouir. » Je vous demande en grâce le silence et l'obscurité. Une de mes suivantes m'accompagnera jusqu'à la porte secrète du palais. Vous reste-t-il encore des doutes, monsieur ? Mais qui peut vous répondre que cette lettre sans signature vienne de Pellinetta ? Dit le sculpteur, prenant une attitude consternée. Et d'où voulez-vous qu'elle vienne ? Du diable ? S'écria Richelieu. Vous êtes un homme incorrigible. Il me faudra d'autres preuves, monseigneur. « Vous en aurez, par l'assembleur, vous en aurez, vous dis-je. Allons, mon cher, ne faites pas une mine aussi piteuse. Après tout, cette femme ne méritait pas un amour comme le vôtre. Vous voyez bien combien il m'en a peu coûté pour obtenir ses bonnes grâces. Je suis désolé de vous voir aussi triste. Oh, les femmes, quand cesserai-je de leur faire tourner la tête? Il faut vous en prendre à mon étoile, maudite étoile. » Cette algarade astrologique de Richelieu faillit compromettre tout le succès de la ruse de Sbrigelli. Fort heureusement, il contint son envie de rire et continua de feindre la consternation. Le duc lui permit de se cacher à l'heure du rendez-vous dans un cabinet voisin de la pièce où il devait conduire la belle mystérieuse, et comme l'artiste objectait que la dame réclamant l'ombre et le silence, il lui serait assez difficile de la reconnaître. « Bon, » dit Richelieu. « Croyez-vous que l'on doive tenir compte d'un pareil caprice ? Après quelques instants d'entretien, j'aurai soin qu'un valet de chambre indiscret nous apporte des flambeaux. Le cabinet est vitré, les preuves de ma victoire seront sous vos yeux. » Le sculpteur baissa la tête en signe d'assentiment. Lorsque la pendule du salon lui montrait les deux aiguilles d'or réunies sur leur fatale, il se dirigea vers le cabinet avec l'air abattu d'un condamné qui marche au supplice. Richelieu, pendant cet intervalle, éteignit les lumières, descendit un escalier dérobé, puis rentra, quelques minutes après, conduisant au milieu des ténèbres une dame silencieuse dont il sentait la main trembler dans la sienne. Une demi-heure s'écoula. Le duc, surpris de la résistance qu'il rencontrait, crut devoir remettre son triomphe à un autre jour afin de faire cesser les tortures qu'endurait son malheureux rival. Il tira le cordon d'une sonnette et des flambeaux arrivèrent. Hélas ! Il venait détruire une douce illusion. Richelieu, le galant Richelieu, se trouvait non pas aux genoux de Pellinetta, mais à ceux de Madame de Valgo. Celle-ci ne s'offensa pas de l'impolitesse de son adorateur en le voyant reculer à l'aspect des charmes surannés auxquels tout à l'heure il voulait rendre hommage. « Monsieur de Richelieu, lui dit-elle avec un sourire plein de malice, je compte sur votre discrétion. Mon époux a 80 ans, mais il est encore très jaloux. » « Échec et mat, monseigneur, » s'écria Sbrigelli qui venait d'ouvrir la porte du cabinet. « Vos preuves ne valaient rien, voici les miennes. » En même temps, il présentait au duc un billet parfumé que celui-ci parcourut en donnant les marques de la plus grande surprise. « Je vous aime, et je mets cet aveu sous la sauvegarde de votre honneur. Il n'est pas de véritable amour sans estime. Aussi vous respecterez mes devoirs d'épouse, comme je le fais moi-même. » « Marchez à la gloire, André. Je serai votre protectrice, votre amie. Le ciel permettra peut-être un jour que des liens plus doux nous unissent. Gardez précieusement mon souvenir comme je garderai le vôtre, Pellinetta. » « Le doge et le sénat de Gênes, » dit un domestique en se précipitant tout effaré dans le salon. Richelieu perdait la tête. Le sculpteur s'empressa de faire disparaître Madame de Valgau par l'escalier dérobé. Le doge entrait en costume d'apparat suivi de tous les sénateurs. « Il n'est jamais trop tard pour annoncer une bonne nouvelle, » dit-il à Richelieu. « Vous êtes nommé maréchal de France. Le Sénat, en recevant cette nouvelle, a voulu passer une partie de la nuit pour rendre un décret qui vous déclare noble génois, vous et vos descendants. Votre nom sera gravé sur le livre d'or de la République et l'on vous érigera une statue dans le grand salon du palais. André Sbrighelli, recommandé par notre belle-sœur, a été choisi pour reproduire vos traits sur le marbre. Il est élève d'un grand maître. Nous voulons, monsieur de Richelieu, que l'Europe entière sache quelle a été notre reconnaissance et quelle admiration nous professons pour votre valeur. » Tout cela est très beau, dit Richelieu quand le doge et le sénat se furent retirés, mais je n'en suis pas moins battu. Consolez-vous, monseigneur, dit l'artiste. Impossible en ce monde d'avoir toutes les satisfactions réunies, et je tâcherai d'oublier, en faisant votre statue, la singulière figure que vous aviez tout à l'heure en présence de Madame de Valgau. » Ainsi s'achève, échec et mat, de Gêne de Mirecourt.